vous souhaite une bonne journée. Dans quelques instants, l'info de 9h. Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. L'avenir vous emmène au resto avec son supplément table d'été. Profitez de nos menus au prix estival de 29€ par personne, apéro et vin compris, dans des restaurants sélectionnés pour vous. À découvrir dans l'avenir ce mardi 21 juin. Bon réveil, vous écoutez Vivacité, il est 9h. La Belgique toujours sur son petit nuage ce matin après la victoire des Diables Rouges hier face à l'Irlande. Le prochain match, c'est ce mercredi. Nous verrons quelles sont les conditions nécessaires pour une qualification en huitième de finale. À Bruxelles, les supporters n'ont pas boudé leur plaisir malgré la menace terroriste. Un attentat aurait été évité dans une fan zone de la capitale. Et si vous vous preniez pour un facteur, Bpost va proposer aux particuliers de livrer des colis. Détail de ce projet dans le journal. Deuxième tour des élections municipales partielles en Italie. À Rome, c'est une femme du mouvement 5 étoiles du comique Beppe Grillo qui pourrait devenir maire. Lui aussi était un grand comique. Coluche est mort il y a 30 ans. Nous reviendrons sur son parcours très éclectique. Les informations avec Nathalie Servet. Bonjour à tous. Notre pays a sans doute échappé à un nouvel attentat. Une vaste opération antiterroriste a été menée la nuit de vendredi à samedi. Elle a permis d'arrêter 9 personnes. 3 d'entre elles, 3 hommes, ont été inculpés hier soir de tentative d'assassinat dans un contexte terroriste. Le juge les soupçonne d'avoir préparé des attentats en Belgique. Simon Bourgeois, quel est exactement le projet de ces 3 hommes? Mais d'abord, qui sont-ils? Samir C, Mustapha B et Jawad B, 3 hommes, ils ont entre 27 et 40 ans, ce sont des connaissances des kamikazes du 22 mars à Bruxelles. Ces 3 suspects arrêtés hier auraient évoqué leurs intentions de commettre un attentat ce week-end chez nous. Des conversations téléphoniques interceptées par les enquêteurs. Ils parlaient notamment de l'écran géant Place Rogier hier pendant le match des Diables. La police les a interpellés ce samedi matin avec d'autres personnes, 12 en tout, dans une vague de 40 perquisitions dans plusieurs villes de Belgique, mais surtout à Bruxelles. Les enquêteurs n'ont retrouvé aucune arme ni explosif. Le juge a mis donc 3 personnes sous mandat d'arrêt. Les 9 autres ont été relâchés. Merci Simon. Et malgré cette menace terroriste, la fête au diable n'a pas été gâchée hier. Les supporters cette fois n'ont pas été déçus. Les Diables Rouges ont assuré 3-0 face à l'Irlande. Une très belle victoire célébrée à travers tout le pays à coups de klaxons. À Bruxelles, les supporters se sont retrouvés sur les marches de la Bourse. Tout un symbole. Hélène Maquet y était. Quelques minutes après le coup de sifflet final, ils sont des dizaines, des centaines. Le visage grimé, drapeau sur les épaules ou simple pull rouge, sortis des bars du centre-ville, ils convergent vers la Bourse. C'est très bien, ils jouaient très bien aujourd'hui, vraiment. Franchement, on attendait ça. 3-0, c'est tout ce qu'il fallait. Lukaku qui marque, on l'a critiqué et tout, et là il nous en met 2, donc c'est vraiment excellent. Un groupe de percussions en noir, jaune, rouge rejoint les supporters. Debout sur les marches, les bras levés, les rires, les sourires, les chants. L'image est saisissante. Contraste avec le symbole de recueillement qui était devenu la Bourse après les attentats. C'est tout à fait émouvant, comme je dis, suite aux événements notamment. Et comme ça, ça remonte l'unité, la Belgique aussi. On a toujours été soudés malgré les événements qu'il y a eu à Bruxelles, etc. Mais là, ça prouve encore bien qu'on est tous unis et que le peuple belge est vraiment magique, quoi. Quelques minutes après la fin du match, au pied de la Bourse, on cause foot bien sûr, et on profite encore un peu de ce petit quelque chose indéfinissable qui parfois, en Belgique, nous rassemble. Et cette victoire des Diables, elle survient, on le sait, après la volée de critiques qui avait suivi la défaite contre l'Italie, c'était lundi. Critiques sur les joueurs et critiques aussi sur l'entraîneur Marc Wilmots. Aujourd'hui, les Diables ont donc repris la main. On écoute au micro de Thierry Luters la mise au point du capitaine Eden Hazard. Nous, on est derrière le coach, c'est le plus important aussi. Voilà, on a essayé de pas trop y faire attention, mais quand ça revient tous les jours, des fois c'est difficile. Mais voilà, il a fait les choix et ces choix, ils ont été payants aujourd'hui. Donc voilà, vous l'avez critiqué, maintenant vous pouvez le soutenir à nouveau. Non, on n'était pas inquiet parce qu'on connaît nos qualités. Voilà, on sait qu'on n'a pas fait un grand match contre l'Italie, mais tout n'était pas acheté non plus. Je pense que si on avait mis ne fût-ce qu'un but contre l'Italie, ça aurait pu changer le match. Voilà, c'est des petits détails, mais contre des belles équipes, ça fait la différence. Ouais, les Diables ont donc fait la différence hier face à l'Irlande. Une très belle prestation qui les rapproche d'une qualification. Tout va se jouer mercredi. Notre équipe affronte la Suède. Pour se qualifier, Eric Libois, les Diables doivent simplement faire un match nul. Oui, car avec 4 points, les Diables seraient inaccessibles pour la Suède et pour l'Irlande. Ils seraient donc assurés de la deuxième place. La première place, elle, est hors d'atteinte. Elle est dans la poche des Italiens. Mais même en cas de courte défaite contre la Suède mercredi, les Belges pourraient encore finir parmi les meilleurs troisièmes, à condition quand même que l'Irlande ne batte pas l'Italie. Alors, si on prend l'hypothèse la plus plausible d'une qualification, quels sont les adversaires possibles des Diables, Eric ? Et c'est là que ça devient cocasse, car cette deuxième place promise aux Diables se révèle, comme prévu, bien plus intéressante que la première. Écoutez bien, si les Diables avaient fini premier, ils auraient dû se farcir l'Espagne ou la Croatie en huitième, puis sans doute l'Allemagne en quart. Tandis qu'ici, avec une deuxième place, on prendra d'abord la Hongrie, l'Islande ou le Portugal en huitième, avant de tirer en quart l'Angleterre, Galles ou la Slovaquie, et l'Espagne seulement en demi. Bref, c'est beaucoup mieux comme ça. En foot, le jeu du qui perd gagne rapporte parfois très gros. Après coup, on pourra peut-être dire que c'était bien de perdre contre l'Italie. Et les plus romantiques oseront même dire que même ça, Wilmots l'avait prévu, que c'était là son plus grand coup tactique. Merci Eric. Rappelons encore qu'hier soir, le Portugal a été contraint en partage 0-0 par l'Autriche. N'était pas le jour de Cristiano Ronaldo qui a raté un pénalty. Son équipe devra donc battre la Hongrie au dernier match si elle veut arracher la première place. Et puis ce soir, à 21h, on ouvre la ronde des troisièmes matchs de poule. La France a besoin d'un point contre la Suisse pour terminer premier du groupe. Dans l'autre match entre la Roumanie et l'Albanie, chaque équipe sera obligée de gagner. Des particuliers qui livrent des colis pour Bipost. C'est un projet pilote qui sera présenté officiellement la semaine prochaine. Nom de code Bringer. Pour comparer et donner un exemple, on est dans la veine de ce que fait Uber où des automobilistes conduisent des particuliers. Ici, Bipost jouerait les intermédiaires en quelque sorte. Les détails de ce projet avec Baudouin de EPC, porte-parole de Bipost. L'objectif est de mettre en œuvre une plateforme collaborative qui permet un expéditeur de biens de rentrer en contact avec des chauffeurs potentiels dans son entourage qui permettrait d'expédier un bien vers un destinataire de son choix. Et là-dedans, Bipost joue simplement le rôle de relais, c'est ça ? Oui, en effet. Donc Bipost a l'ambition de pouvoir jouer le rôle de relais entre ces différentes personnes. Et la personne qui livre, elle est rémunérée, j'imagine ? Oui, donc la rémunération sera déterminée en fonction de la distance ou de la dimension et du poids de l'envoi. Et Bringer sera d'abord testé dans la région d'Anvers avant éventuellement de l'étendre à d'autres villes ou au reste du pays. Bipost assure qu'il n'y aura pas de répercussions sur le personnel. Un bar à chicha a complètement brûlé cette nuit à Charleroi en plein centre-ville. Il y avait des appartements au-dessus de ce bar. Heureusement, les pompiers ont rapidement maîtrisé les flammes. Il n'y a pas de blessés. L'actualité dans le monde est le deuxième tour des élections municipales partielles en Italie ce dimanche. De nombreuses grandes villes comme Milan, Naples ou encore Bologne doivent se choisir un nouveau maire. Mais tous les yeux sont rivés sur la capitale, Rome, où le mouvement 5 étoiles créé par le comique Beppe Grillo pourrait bien l'emporter sur le candidat de gauche, soutenu par Matteo Renzi. L'analyse de notre correspondante Valérie Dupont. À Rome, les partis de droite comme de gauche ont combiné un pasticcio, comme disent si bien les Italiens. La ville est dans un état désastreux et les Romains ont perdu toute confiance. Il y a beaucoup de problèmes ici. La ville est sale, il y a des ornières sur toutes les routes et les transports ne fonctionnent pas. Vous savez, c'est normal qu'on se tourne vers un autre horizon. On a essayé tellement de solutions. Il est temps de changer et on verra ce qu'elle fera. Avec son air de première de classe, Virginia Raggi, avocate de 37 ans, a surfé sur le rejet des partis traditionnels. Résultat, au premier tour, elle a emporté 35% des voix. Mais avec elle, c'est tout le mouvement 5 étoiles qui prendrait possession de la capitale en cas de victoire au deuxième tour. Stefano Folli, éditorialiste du journal La Repubblica. Le mouvement 5 étoiles est un mouvement très intolérant qui ne supporte pas la critique. De plus, il y a cette idée de démocratie directe à travers Internet. Tout le monde peut dire son avis, mais c'est évidemment un traquenard. Virginia Raggi a promis de reprendre en main les finances de la ville, de réparer les routes et d'améliorer les transports publics. Rendre à Rome sa splendeur d'antan sera pourtant bien difficile, car si elle est élue, les partis traditionnels et surtout la gauche ne lui feront aucun cadeau. Le mouvement 5 étoiles devra finalement prouver qu'il peut agir et non seulement parler. Au Royaume-Uni, la campagne pour le Brexit reprend ce soir, 3 jours après le meurtre de la députée travailliste pro-européenne. Plusieurs émissions seront consacrées au référendum sur le maintien dans l'Union européenne du Royaume-Uni. Le Premier ministre David Cameron répondra notamment aux questions du public en direct ce soir à la BBC. Selon les derniers sondages, les premiers depuis l'assassinat de Joe Cox, les partisans du maintien reprennent la main. Pour rappel, le référendum est prévu ce jeudi. Il y a 30 ans, le 19 juin 1986, l'humoriste Coluche disparaissait dans un accident de moto au nord de Cannes à 41 ans à peine. Un clown provoque qui inspire encore de nombreux humoristes aujourd'hui. On replonge dans les années Coluche avec Lionel de Neubourg. C'est l'histoire d'un mec, vous la connaissez, non ? Ce mec, c'est Michel Colucci, salopette à rayures, t-shirt jaune. Coluche qui déboule sur les scènes début des années 70 et rapidement fait mouche à la télé. Bonjour, Coluche, c'est Papy Mougeot. Lui qui a tant tapé sur les Belges. Machin que les Français, ça moque tout le temps de nous. Tu dis, quand on rencontre un vrai con en Suisse, c'est un Belge. Provoque pour mieux taper sur les racistes. Ça me fait marrer de montrer qu'il existe dans les petits recoins de la vie quotidienne. Dans les expressions populaires. Le pitre engagé jusqu'à faire peur aux politiques. Comme on a voté pendant 30 ans pour des gens compétents et intelligents, je propose aujourd'hui qu'on vote pour un imbécile qui n'y connaît rien, c'est-à-dire moi. D'une blague de potache, Coluche flirte avec 16% d'intention de vote pour la présidentielle de 81. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser la position que j'ai pour foutre la merde, quoi, en fait. Écrasé par la machine politique, il abandonne, délaisse la scène et tourne quelques films, dont Ciao Pantin. Il reçoit un César. Je me croyais franchement à l'abri, vu que je faisais du cinéma qu'on ne récompense pas. Septembre 1985, il lance un appel sur Europe 1. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà, je lance l'idée comme ça, s'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, ils nous écrivent. L'idée deviendra les restos du cœur. Moi je file un rancard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas. Une évocation signée Lionel de Neubourg. Il est 9h et pratiquement 12 minutes. Excellent dimanche à tous. Tout de suite, les enfants de cœur avec Jean-Jacques Brunin. Merci, c'était le journal de Nathalie Servet ce matin. Les enfants de cœur sont près de Marchand-Famène à Marcouret. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne ? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Les enfants de cœur sur Vivacité. Bonjour à toutes et tous et bienvenue aux auditeurs de Vivacité. Nous sommes ce matin entre Marchand-Famène et La Roche-en-Ardenne, installé dans l'église de Marcouret. Ça tombe bien pour accueillir les enfants de cœur. Nous sommes juste face à la nef, face à la grande orgue qui n'existe plus, à la chaire de vérité qui a disparu également. Ne manque donc que les enfants de cœur que je vais vous présenter en rendant hommage au prénom de notre invité, Juan ou Juan, puisque évidemment d'origine espagnole. À toute berzingue, comme le célèbre pilote automobile Juan Manuel Fangio, l'homme pressé, mais qui est quand même parvenu à être en retard, James Dino. Et qui va nous rejoindre au plus vite, coincé dans les orages. À l'image du roi Juan Carlos, il règne en maître sur sa bonne ville de Binche, le seigneur Dominique Watrin. Bonjour à tous. Bien qu'il soit lui aussi un grand artiste, Juan Miró, parce qu'il porte des lunettes comme le plus bigleux de l'équipe, Christophe Bourdon. C'est ça votre présentation, Jean-Jacques. Bonjour. Évidemment, qui d'autre que Don Juan, le célèbre séducteur, pour présenter notre cœur d'artichaut et sa range jaloux, Christophe. Vous avez reconnu Cody. Bonjour, Marcouret. Notre invité, celui qui va passer 1h30 en notre compagnie, est un artiste pluridisciplinaire et protéiforme. Il est multiple, déjanté, drôle, belge et donc surréaliste. à la fois romancier, plasticien, auteur de chansons, novelliste, photographe, chanteur, homme de radio et de télévision, enseignant dans une école d'art, et j'en oublie tellement parce qu'il fait de tout et il le fait très bien. Il est avec nous dans Les Enfants de Cœur pour la première fois ce dimanche matin, mesdames, messieurs, Juan d'Outremont. Bonjour Marmouset, c'est Marmouset. Presque Marcouret. Vous allez bien? Fort bien, je suis super content d'être là. Je suppose que... En général, ils disent tout ça, mais... Ben oui. Non, mais ça doit raviver de bons souvenirs, c'est vous qui incroyable. Avez participé c'est aux incroyable. Enregistrements du jeu c'est, des dictionnaires. C'est tout à fait ça. Enfin, surtout ce qu'on a mangé, là, les spécialités locales. Oui. Tout à fait la même chose. Vous remarquez que j'ai la même coiffure que Jacques Mercier. Tout à fait. Et ah mais ouais. Lui, je me permettais toujours de le caresser avant l'émission pour que ça porte gêne, mais ce, je ne pas... serais pas obligé avec moi, mon cher. Si, allez-y. Non. Non, mais je citais toutes vos activités. Est-ce que vous êtes un éternel insatisfait ou au contraire un boulimique de travail? L'avantage pour l'instant, c'est qu'il y a plein d'outils qui sont disponibles très, très simplement. C'est, si on a un bon ordinateur, on sait monter des films, on sait faire des maquettes de disques, enfin, on sait faire plein de choses. Et en fait, je ne comprends les choses qu'en les faisant. Mm-hmm. Et donc, je fais. Je suis entouré de gens qui font plein de choses. Et donc, je m'acoquine pour plein de projets. Donc, ça se passe assez bien. Et vous le faites bien, en plus, ce qui ne gâche rien. Merci beaucoup, en tous les Merci cas, de m'accueillir. D'avoir accepté notre invitation. Mesdames, messieurs, depuis l'église de Marcouret, voici donc vos enfants de cœur. Se sont donné une mission, foncer vers leurs rêves et assurer leur avenir. Leur arme, leur passion. Comme eux, forme-toi un métier en alternance. Rendez-vous le 22 juin lors de la journée porte ouverte IFAPME. Toi aussi, passe à l'action. Plus d'infos sur ifapme.be. Avec le soutien de l'Union européenne et de la Wallonie. Le Spar de Mathieu. Ce soir, c'est moi qui cuisine. Mes beaux-parents viennent manger, alors... Mais je ne suis pas stressé, hein. Parce que dans mon Spar, je trouve tout ce dont j'ai besoin. Du pain croustillant, des légumes frais, du poisson de qualité, et sans dépenser un argent fou. Spar Colruyt Group. Toujours avantageux. Le Soir présente les nouvelles bilingues. Edgar Allan Poe, Dickens, Virginia Woolf. 30 livres CD pour réveiller votre anglais, avec une sélection de nouvelles en version originale, leur traduction française et un CD pour travailler votre accent. Dès ce vendredi 17 juin, Oscar Wilde, Le fantôme de Canterville, 1 euro seulement. Les numéros suivants chaque samedi avec Le Soir. Vivacité présente les Francofolies de Spa. Le phénomène Kenji Girac débarque au Francofolie pour la première fois. Kenji Girac avec Jali en première partie, c'est le 21 juillet au Franco pour une soirée qui s'annonce caliente. Info, francofolie.be, avec le soutien de Sabam for Culture et la société Wallonne des Eaux. Fred, vite, il y a une éclaircie, on se ferait pas un petit barbecue? T'inquiète, je fonce Red Market. Il y a tout ce qu'il faut pour un barbecue réussi à petit prix. Et invite une brochette d'amis. Oh, ce Fred Market, toujours le bon plan. Red Market, votre supermarché sympa, rapide et moins cher, ouvert 7 jours sur 7. Red Market à Jemeppe-sur-Meuse, 109 rue de la Station. Tu sais, toi, comment on appelle les habitants de Blégny? Les Blégniens, les Blégnésiens. Bienvenue à Blégny, journée d'information ce dimanche 19 juin. Venez découvrir notre nouveau projet d'habitation situé en plein cœur de Blégny. Chez Matexi, la qualité de chaque habitation se retrouve aussi dans la convivialité de son quartier. Vous recevez tellement plus pour votre budget. Plus d'infos au 04 361 1804 ou sur matexi.be. Rendez-vous ce dimanche 19 juin de 14h à 18h, rue de l'Égalité à Blégny. Les Blégny, toi! Matexi, bienvenue chez vous. Du jeudi 16 au dimanche 19 juin, moins 30% sur des milliers d'articles printemps-été chez Espace Mode. Nocturne le vendredi 17 jusqu'à 20h et ouverture le dimanche 19 de 10 à 17h. C'est un gars qui se promène avec son petit chien, il est là, il lève ses yeux comme ça, il voit sur une terrasse au 10e étage, un gars avec une grande djellaba, des babouches, et le gars est en train d'épousseter un grand tapis d'Orient. Et l'autre, il lève ses yeux, il fait... Et quoi, grand, une démarre pas? Jusqu'à 10h30, les enfants de cœur sont sur Vivacité. C'était Renaud Rutten qui a laissé plein de bons souvenirs à Petit Thiers, Vielsalm où nous étions il y a une quinzaine de jours. Aujourd'hui, depuis l'église de Marcouret, en compagnie de Juan d'Outremont. à l'invitation du comité des fêtes de Marcouret. Juan qui proposera d'ailleurs une grande exposition au musée d'Ixelles à partir du 30 juin jusqu'à la fin septembre, basée sur des pochettes de disques, si je ne m'abuse. Sur les fameux tableaux d'une exposition de Moussorski. Ça fait, pour faire court, il y a 350 versions différentes de l'œuvre en vinyle. Ça fait que c'est surtout amusant parce que c'est 350 pochettes avec des scènes de musée, des scènes d'atelier. Et puis il y a 63 la même pochette sur laquelle il y avait une palette qui ont été utilisées par 63 artistes. Et donc on voit les pochettes, les palettes et les œuvres des artistes en question. Pictures at an exhibition, donc au musée d'Ixelles. L'exposition s'appelle même Rien ne va plus. Rien ne va plus, d'accord. Oui, Christophe. J'ai un collègue au Pigeon, Marc Ochinski, qui m'a dit qu'il allait faire un reportage sur vous parce qu'il y a un moment, il y a quelques années, vous amusiez à déposer des reproductions d'œuvres dans des galeries d'art, c'est ça? C'est quoi cette histoire? Ah non, j'ai fait plusieurs choses. Non, j'ai pendant très longtemps déposé des dessins pornographiques, mais j'annonçais. Donc il y avait 7 ou 8 000 personnes qui étaient abonnées à une newsletter, et c'était toujours dans des lieux culturels. Donc voilà, c'était amusant parce que quand c'était dans des gros lieux, je veux dire, ça partait très vite. Et sinon, c'était la femme de ménage qui le jetait à la poubelle. Il paraît que ça vous excitait de dessiner des dessins pornographiques. Ah, c'est dingue. Ah oui, non, mais je le reconnais. Ça, oui, mais ça fait partie de ces pratiques qui mettent littéralement en tension. On est chez vous, donc on sait qu'on peut. Oui, en effet, c'est très très curieux. Je vais me lancer dans l'art. Je parie que Jacqueline Galland a ça quand elle calcule. Allez, on poursuit, les amis. La question mystère en compagnie de Christophe Bourdon. Il n'y a pas longtemps, on a eu le tournoi de Roland-Garros et j'ai une petite question. Chaque année, Roland-Garros, il y a un couple de Belges qui s'appelle Ludwig et Gonda Vorskats et ils font un boulot pas comme les autres. Quel est le boulot de ce couple de Belges à Roland-Garros? Est-ce qu'ils s'occupent d'animaux? Oui. D'accord, je connais la réponse, donc je ne dis rien. Ça a rapport avec les animaux, oui. Ils s'occupent d'animaux, donc. Oui. D'animaux, chasser les pigeons ou un truc pareil, non? Exactement. Exactement. Ils ont des rapaces, c'est ça, hein? Ben bravo, ils sont très forts. En fait, c'est des fauconniers, tout à fait. Ah oui. C'est con, moi j'avais deux, trois propositions très drôles et du coup... Allez-y. Belmondo venait toujours avec son chien, donc il aurait pu s'occuper du chien de Belmondo. Exact, ça aurait été un boulot aussi. Non, mais en général, je préfère m'en occuper tout seul. Et donc, en fait, pour chasser les faucons dans le ciel, pour ne pas que les faucons perturbent les joueurs... Les pigeons. Les pigeons, ils lâchent des rapaces. Oh, écoutez, vous avez compris. Hein. Oui, absolument. Ils lâchent des faucons et des buses. Et la buse, c'est moi. C'est ce qu'on fait sur les aéroports. Hein. Exact. Exactement. Ça, oui. En signe de bienvenue, mon cher Juan, Dominique Watrin signe pour vous le portrait du jour. Tout n'est pas vrai, donc tendez bien l'oreille et n'hésitez pas à intervenir s'il le faut. Dominique Watrin. Les enfants de cœur. Juan d'Outremont est officiellement un artiste plasticien, à ne pas confondre avec Jean Entremont, qui lui vend des fromages sous plastique dans les supermarchés. Mais il travaille aussi comme écrivain, parolier, scénariste, peintre, chanteur et humoriste. Preuve qu'il n'est pas wallon, parce que chez nous, on serait 30 pour faire ça, sans compter le permanent syndical. Très tôt, son père a déniché chez lui un talent précoce, s'exclamant un jour « Il a un don, Juan », ce à quoi sa mère a répliqué sévèrement « Ce n'est pas comme son frère, il n'a aucun don, Camillo ». En 1975, Juan fonde un mouvement artistique appelé « Siciste », international, dont il est le seul membre. Directement, il reçoit de nombreuses sollicitations féminines, synonymes de succès, mais il s'aperçoit très vite que ses interlocutrices sont toutes des femmes qui ont confondu cyciste et cystite, et qu'il implore de leur prescrire un médicament comme l'amoxiline ou le clamoxyl, ce qu'il accepte avec grand plaisir, considérant comme une nouvelle démarche artistique avant-gardiste de délivrer de fausses ordonnances avec des noms de médicaments inventés. Boosté par cette expérience, Juan d'Outremont travaille dans la foulée comme auteur de noms de meubles chez Ikea. Selon nos informations, c'est à lui qu'on le doit notamment le nom de la commode en pain trois tiroirs Schmeutebreud de 1986, celle de la table de nuit Kemocheté Milliard de 2001, mais aussi plus récemment des bougies chauffe-plat Huit sorti mes doigts et des placards intitulés « Non, Dios, il manque quoi une vis ». Julien Doutremont enseigne l'installation et aussi la performance, ce qui permet déjà de savoir qu'il n'a jamais donné cours de diction à François de Brigode, ni cours de jeu de mots à Christophe Bourdon. Julien Doutremont est lui-même créateur d'installations et c'est devenu un immense calvaire pour lui. Ses installations sont en effet devenues tellement avant-gardistes que le matin, quand il se lève et qu'il retrouve son couteau de la veille badigeonné de choco sur sa table de cuisine, il se demande, est-ce que c'est mon couteau dégueulasse d'hier ou est-ce que c'est une installation artistique que j'ai réalisée pendant la nuit ? Alors, il expose tout dans sa vitrine par prudence, à côté de ses deux collections, sa collection de crottes de nez sculptées au microscope et sa collection de prothèses mammaires de stars de cinéma conservées dans des bocaux remplis de sirop de liège, deux de ses expériences artistiques extrêmes. Enfin, en tant que parolier, Juan est l'auteur de plusieurs chansons, dont « Cœur de loup » de Philippe Lafontaine, qu'il a rédigé uniquement pour la beauté de l'art, mais qui, à son grand désespoir, lui a rapporté une fortune. En voici un court extrait avec la traduction. « Je n'ai qu'une seule envie... » Traduction, tiens, voilà 50 000 euros. « Me laisser tenter... » Traduction, et hop, encore 40 000 euros. « La victime est si belle... » Traduction, allez, je me paye une nouvelle caravane. Et le crime est si gay. Traduction, encore 60 000 euros. Là, j'ai vraiment de quoi payer une tournée générale à tout le public des Enfants de cœur de Marcouret. Merci, Juan. Et ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. La chronique sur rtbf.be/ovio. Nous revenons rapidement avec James Dino qui nous a rejoint. Comment va-t-il ? Bien. En toute grande forme. Bonjour. Et la question de Cody, à tout de suite. Les Enfants de cœur, tous les dimanches, de 9h à 10h30, sur Vivacité. Les Ardentes. Du 6 au 10 juillet à Liège. Avec Indochine. Harold. Alice on the Roof. Les Innocents. Ibrahim Malou. Big Flo et Oli. IBI. Musti. Christophe. Nekfeu. Mark Ronson. Et Pharrell Williams. Infos et réservations, lesardentes.be. Avec Vivacité, La 2, Wico, SD Works et ING. Je vois par exemple dans le rapport de police que vous, monsieur Baraki, vous insultez votre femme pendant que vous dormez. Ah non, c'est faux. Je ne dors pas. Jusqu'à 10h30, les enfants de cœur sont sur Vivacité. Depuis l'église de Marcouret pour le tout dernier enregistrement de la saison. Notre invité, Juan Doutremont, pour aussi ce livre, Contes à rebours, aux éditions On Lit. Je vous le conseille. Moi, j'ai passé vraiment un très, très bon moment à lire ce nouveau roman, qui est passé à un fifrelin du prix Rossel. Bah oui, hein, écoutez. Oui. Bon, voilà, écoute. Ça peut arriver. Bah oui. Ce sera pour la prochaine fois. Et vous avez dit une chose terrible. Alors, je vous la pose maintenant, cette question-là, parce que vous êtes bien entouré ici dans les Enfants de cœur. Vous avez dit un jour, je déteste les humoristes professionnels. Ah, c'est vrai. C'est vraiment... oui, mais c'est peut-être parce que j'étais embarqué dans des émissions d'humour, mais pas du tout parce que j'étais humoriste. Et j'étais avec des grands professionnels. De Gueluc et tout ça. Vous pourriez dire, je détesterais être humoriste professionnel, mais vous détestez les autres. Non, oui, non, ils sont nuls. Ah, Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choses qui me font rire dans la vie de tous les jours, au carrefour et ça, que dans les émissions dites d'humour. Voilà. Eh bien, pas la vôtre, que je n'écoute pas. On peut le prendre la nôtre. On peut le prendre comme argent comptant, mais on espère vous faire changer d'avis. Oui, non, mais bien sûr. D'ici 10h30. Mesdames, messieurs, James Dino. La semaine de James Dino. Tout mon public en furie. Bonjour tout le monde. Alors. Oui, c'est encore passé plein de choses cette semaine. Scandale politique aux États-Unis, peut-être que vous avez vu ça. Le demi-frère de Bill Clinton a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Et c'est la demi-sœur de Monica Lewinsky qui a dû souffler dans le ballon. C'est une injustice, hein, ça. Alors j'imagine que vous avez tous vu cette histoire. L'enfant qui est tombé dans l'enclos du gorille, et on a dû tuer le gorille. Alors si c'était arrivé à Paris-Déza et que 10 roupeaux tombent dans la fosse au panda, qu'est-ce qu'on fait? On vise lequel des deux? vu qu'on est dans une église, vous savez que la Bible a été traduite avec des emojis, les émoticônes, hein, voyez les... Donc c'est-à-dire qu'on a remplacé certains mots par plein de petits smileys. Par exemple, quand Jésus transforme l'eau en vin, ben, y a une petite émoticône de mec bourré juste à côté. Autre exemple, le fameux MDR, mort de rire, a été remplacé par RDR, ressuscité de rire. C'est... vous comprenez, c'est plus drôle. Hein. RDR... Pour l'instant, c'est super bien. Hein. Oui. Ah, je commence à changer d'avis. Ah, mais c'est. Ah, et putain, une fois qu'on est face à un vrai professionnel. Mais ouais, mais j'ai eu du temps sur le trajet pour mûrir tout ça. Et qu'est-ce qui se passe si Jésus tombe dans la fosse des pandas? Non, c'est pas grave. Continue. Voilà. Maintenant, un Waremois, c'est comme ça qu'on dit, un type de Warem, expose des portraits donc de stars qu'il fait en chocolat. Alors, il a fait plusieurs stars. Il a fait Conchita Wurst. Alors, Conchita Wurst s'est fait en chocolat raffiné, comme les femmes, mais avec des noisettes. Et alors, ils ont... Pour le portrait de Renaud, ça, ils ont fait ça avec des Mon Chéri, mais ils ont enlevé le chocolat, ils ont enlevé la cerise. Qu'avec l'alcool. Et ça fonctionne très bien, c'est très ressemblant. En revanche, pour le portrait de Michael Jackson, le bonhomme a été très emmerdé, il a hésité longtemps, puis finalement, il a retourné un œuf Kinder. Alors, c'est blanc à l'extérieur et noir à l'intérieur, et tout le monde est content, et c'était vraiment très chouette. Ça marchait avec des Bounty aussi. Et ça marchait avec des Bounty éventuellement aussi. Alors, bonne nouvelle, les épreuves de sélection pour faire partie de la première mission sur Mars vont avoir lieu. Je ne sais pas si vous avez eu cette histoire, télé-réalité sur Mars directement. Alors, les candidats s'inscrivent pour un voyage de 6 mois. C'est un voyage de 6 mois. Donc, 5 mois de la Terre à Mars et 1 mois pour rejoindre Bruxelles entre les grèves, les travaux, les opérations. Alors, il s'agira donc, je viens de vous le dire, d'une émission télé-réalité. Bon, déjà, dans une émission de télé-réalité, c'est vide, mais dans l'espace, ça va vraiment faire beaucoup de vide. Et les candidats vont signer pour un aller simple, c'est-à-dire que ces gens-là ne reviendront plus sur Terre, ils mourront là-bas. Finalement, c'est un petit peu le même principe que pour l'émission Drop It de TF1. Hein? On sait quand on décolle, mais on ne sait jamais quand on atterrit. Allez. Bon dimanche. Nous, on verra les gens vivre là-bas. D'ici, on aura ce plaisir-là. On les verra s'installer dans un milieu hostile, confiné, avec une hygiène rudimentaire, sans transport. Donc, à mon avis, si tu sors de prison en Wallonie, tu as toutes tes chances de remporter l'épreuve. Allez, bon dimanche et à la semaine prochaine. Bienvenue. rtbf.be/ovio pour les images. Petit cadeau de bienvenue, mon cher Julien. Je vous le montre de loin parce qu'il faudrait être gentil jusqu'au bout pour pouvoir l'ouvrir tout à l'heure. Ce sont des chocolats. Et je dois faire une sculpture de qui? Pas du tout. Un portrait de qui? Vous devez les manger simplement et les partager avec vos amis. Merci. Ce sont les chocolats et les macarons de Jean-Philippe Darcy. Informations sur Darcy. C'est un nom de camp de concentration, ça, Darcy. Non, vous confondez. Ah, pardon. Vous confondez. La question mystère en compagnie de Cody. Vous sentez cette envie? Ça vient du cœur, hein? Ça vient du cœur, exactement. Ça me donne envie de vous donner aussi. Alors, quelle est la particularité de Frank Beard, membre du groupe ZZ Top? Non seulement il a une grande barbe, Il joue de la guitare, mais il a en plus une particularité. Il vient chercher ses casquettes à Bruxelles. C'est vrai? Oui. Vous savez, le chapelier... Pompilio. Le chapelier dans les galeries de la Reine. Ah oui? J'ai ouvert ma porte comme ça et il était là. Ah oui? Dingue, ça vous et, laisse... Et il vous a reconnu? C'est un rapport avec le groupe? C'est un rapport avec le groupe, oui. Non, c'est une partie en tant que dans musicien. Le groupe. C'est un rapport avec la façon dont il joue la musique, par exemple? Non. Okay. Oui, il en a un tout petit. Non. Ça, c'est un rapport avec sa vie privée ou... C'est un rapport avec sa barbe? Oui. C'est une vraie barbe et les autres, c'est des faux. C'est une fausse barbe. Ou l'inverse? Fausse barbe. Non. C'est des implants? Non plus. Il sait faire 4 fois le tour de la Terre avec sa barbe. Ah non. C'est pas une barbe. Allez, voilà, fin du gong, la réponse avec Cody. Alors, ironiquement, Frank Beard, alors que Beard ça veut dire barbe, n'a pas de barbe. Ah oui. C'est le seul membre du groupe qui n'a pas de barbe. Il a un postiche. Et non, il n'a rien, il n'a pas de barbe. Dans les étapes, il y en a un qui n'a pas de barbe. Ah oui. le batteur, c'est ça que vous appelez un humoriste professionnel. Oui. Mais donc ça tient un public en haleine pendant un quart d'heure pour dire que le type n'a pas de barbe. Le type n'a pas de barbe. Ah, méfiez-vous, les chocolats s'éloignent. Ah, bon, allez, petite pause et on revient tout de suite. Le dimanche matin sur Vivacité, les enfants de cœur sont sacrément drôles. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Vivez l'UEFA Euro 2016 au plus proche de l'action. Suisse, France, à suivre en direct ce dimanche soir sur la Une, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. L'avenir vous emmène au resto avec son supplément table d'été. Profitez de nos menus au prix estival de 29€ par personne, apéro et vin compris, dans des restaurants sélectionnés pour vous. À découvrir dans l'avenir ce mardi 21 juin. On ne devrait pas passer ses vacances à chercher du Wi-Fi. Qui veut voir mes photos de vacances? Bon, alors ici, c'est Brian au cybercafé. Là, c'est Brian au fast-food. Wow. Alors là, c'est... Ah, ben c'est Brian dans les couloirs de l'hôtel. Oh. Et là, c'est Brian sur la terrasse de l'hôtel. Alors là... Avec Orange, ne cherchez plus de Wi-Fi. Appel, SMS et surf en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions et activation sur orange.be. Promo valable jusqu'au 31 août inclus. Vous demandez sans doute de quoi il s'agit. Et bien, c'est une chanson interprétée par Juan d'Outremont que je trouve absolument magique. Ah, j'avais pas reconnu. C'est pas mal. C'est vrai, mais c'est pas mal. Hein. Une chanson consacrée au lait, c'est extraordinaire. Ouais. Même les laits se marient, même les vilains s'aiment. Et si les canons, ça varie, c'est bien écrit, hein, ouais. On retrouve l'amour fou, même entre les nains et les naines, même les baveux bandent, même les difformes brament. Ah ouais, mais non. Ah non, on peut applaudir. Allez voir sur internet, vous tapez Juan d'Outremont Lélé, et c'est vraiment une chanson magique. Allez, je suis toujours ravi, parce que c'est une activité que je ne fais pas comme un jeune adolescent de 15 ans qui voudrait faire une carrière de chanteur. Donc je le fais avec un peu de distance avec mon ami Benjamin Skos, Miam Montsormia, mm-hmm. qui est mon producteur. Je suis toujours, par ailleurs, ravi quand ça peut toucher le cœur d'un humoriste professionnel. Je ne suis qu'un animateur professionnel, pas un humoriste du tout. Ah oui, j'aurais quand même signalé dans la salle et salué Béatrice et Philippe qui sont là et qui fêtent leurs 30 ans de mariage aujourd'hui. Oh, levez-vous. Bravo. Levez-vous. Merci d'être là. C'est l'heure de la chronique de Christophe Bourdon. Les enfants de cœur. Camarades, bienvenue à cette grande manifestation nationale. Vous êtes venus en nombre et vous représentez chacun des mouvements syndicaux différents. Il y a la FGTB, la CSC, la CGSP, la CGSLB, la CKFD, pour organiser au mieux notre défilé. Je vais vous appeler syndicat par syndicat et vous allez nous dire quel est votre slogan, d'accord? Oui. OK, bon, alors, on commence par le syndicat des cheminots. Le syndicat des cheminots, où est-ce qu'il est? Il a annoncé qu'il aurait un retard probable de 15 minutes. Ça commence bien. Bon, syndicat suivant. Le syndicat des Alzheimer. Salut Patrick, c'est quoi votre slogan? On veut... je sais plus. T'as qu'à mettre ça sur ta banderole, tiens, c'est bien. Quelle banderole? Bah, ta banderole pour la manifestation. Bah, quelle manifestation? Tu me saoules, Patrick. Tu m'emmerdes, Patrick. Hein? C'est qui, Patrick? Bon, syndicat suivant, le SJMP, le syndicat des jeux de mots pourris. Ah, Christophe Bourdon, il est là, c'est bien. Bon, c'est quoi votre slogan? Margot Blé, la coupe est pleine. Ah oui, c'est vraiment pourri, ça, Christophe, comme jeu de mots. Bon, syndicat suivant, le syndicat des casseurs. Ah oui, d'accord, ils sont regroupés en syndicat maintenant. Ils sont où les casseurs? Ils sont cassés. J'en peux plus. Syndicat suivant, le SMTP, le syndicat des métropolis. Salut Philippe, c'est quoi ton slogan? On commence à en avoir un peu assez du gouvernement, mais en même temps, on ne veut pas vous vexer. Alors si c'est le cas, on s'excuse, ce n'est pas contre vous, désolé. Va falloir prévendre une plus grande banderole quand même, il faut prévoir, hein. Bon, alors, syndicat suivant, le SJMBH, le syndicat des Jean-Michel de Bénezet. Où est-ce qu'ils sont, ces couillons? Ah, je pense que j'ai une idée de votre slogan. Oui. Et je m'en doutais. Syndicat suivant, le SDSPQP, le syndicat des défenseurs du subjonctif plus que parfait. Ah oui, purée, je les avais oubliés ceux-là. Salut Pierre-Louis, c'est quoi ton slogan alors ? Il fallait que nous fussions entendus. Il fallait que nous fussions entendus. Bon, je vais vous mettre en début de cortège, d'accord ? Pour que nous fussions entendus ? Non, pour perturber la police. Elle va rien comprendre à ce que vous dites, ça va être très bon. Bon, alors syndicat suivant, les éjaculateurs précoces. Salut mon polo, c'est quoi ton slogan ? On veut... Trop tard. Vous, je vais vous mettre en queue. Allez, on va démarrer. Ah merde, c'est déjà l'heure de la fin de la manif. Bon, ben, à la prochaine alors, hein, c'est tout. Chronique chorale, avec toute l'équipe. On y va à rtbf.audio/ovio. Alors, on parlait évidemment de votre amour de la musique, Juan, comme parolier, comme chanteur, mais également comme graphiste pour le label Blue Note. Mais ça, c'était par l'intermédiaire de mon ami Marc Moulin. Oui, oui, bien sûr. Oui, ouais. Pour lequel j'ai fait beaucoup de pochettes. Oui. C'était un moment où Marc revenait, donc avec des très, très beaux disques qui ont eu beaucoup de succès. Et puis, au niveau graphiste, Blue Note, c'est vraiment... C'est léché, hein. Bah oui, c'est super beau. C'est un mythe absolu. Et c'est vrai qu'on dit aussi que vous avez écrit les paroles de Cœur de loup, mais c'est un peu court parce que finalement, pour La Fontaine, vous avez écrit énormément. Petit tour du propriétaire, si vous le voulez bien. Si tu vends de la bière, moi je vends des chansons. Chanson que j'adore. Cœur de loup, peur du lit, séduis-la, sans délai, suis le swing, c'est le coup de gong du king. Et une kyrielle de tube, hein, quand même, pour Philippe Lafontaine. Oui, c'est une très belle histoire. D'abord parce qu'on se connaissait gamin, enfin on était sur les bancs de l'école. Et donc j'ai commencé à écrire longtemps avant que ça fonctionne. Donc, pratiquement 12 ans avant, un souvenir incroyable, en 89, il y avait encore un top 50, et Cœur de loup était deuxième après La Lambada. Et un jour, je suis dans mon bain, et alors vous savez, ça commençait par 50, 30, 22, et puis deux... La Lambada. La Lambada. Bingo, oui. Le jackpot. Non, c'était pas une question de jackpot. C'est très gai de se réveiller le matin avec une chanson qu'on a écrite. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qui vous guidait dans votre texte ? Parce que quand on lit le texte de Cœur de loup, c'est pas évident. Hein. On bossait comme des nègres. Mais on travaillait comme des dingues. On passait mais des journées à changer des mots, à rechanter. J'avais un horrible piano qui sonnait faux et tout ça. Donc je pense que, c'est pas que ça sentait le labeur, oui. mais je pense que l'idée de vraiment ciseler ça comme de l'horlogerie fine. Finalement, ça amenait quelque chose. La musicalité, quand même. Oui. Enfin, bon, la musicalité. Parce que... et puis, La Fontaine avait une voix incroyable, ouais, tout ça. Mais on avait un espèce de niveau d'exigence qui faisait qu'on lâchait absolument rien. Et du coup, il y avait. Je pense que ça se chargeait d'une espèce de tension comme ça qui faisait que. Voilà. Et là, vous avez pris un paquet de pognon, j'imagine. Oui, mais ça ne nous regarde pas. Non, mais c'est très drôle, c'est parce que. Tout le monde, ça intéresse tout le monde. Non, mais j'ai. Donc, j'ai fait des études d'art. Et puis, pendant 12 ans, j'ai été barman. Mais par ailleurs, j'avais des bouquins qui sortaient chez Albin Michel et ça, que je vendais. Mais je gagnais pas un rond, quoi. Pendant vraiment ces 12 ans, l'idée de finir clochard, c'était vraiment un truc. Je me dis, mais putain, c'est quand même très de la corde raide. Je m'étais marié, ma femme s'était tirée parce qu'elle en avait ras le cul d'avoir un artiste qui... Moi j'imagine en tout cas la femme qui se barre et puis juste après, il y a le cœur de loup qui débarque. Elle se fait... Ah oui, mais c'est incroyable. Un autre c'est vraiment ça. Non, mais alors, elle a redébarqué, alors. Non. Elle est revenue. Non, mais j'ai beaucoup de respect pour ses angoisses, mais c'est vraiment ça qui s'est passé. Et il y avait un espèce de plaisir de, pas de revanche, mais surtout ceux qui, évidemment, disaient que, voilà, j'étais juste un barman. Oui, et puis ça a été le déclencheur de toute une série de tubes, oui, de La Fontaine. Quoi. Oui, et plein d'autres choses. On va faire une petite pause, vous le permettez, Juan, et puis on revient immédiatement ici, dans l'église de Marcouret. Le répondeur des enfants de cœur écoute vos confessions, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, au 070 222 660. 070 222 660. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Bonjour, c'est Jean-François Gilet. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable, avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. On n'est pas des pigeons. Vous non plus ? On va s'entendre. Lundi, dès 11h, sur Vivacité. Que tu aimes le chiffre 45, bœuf, bambou et citronnelle, ou que tu aimes le chiffre 18, nouilles, poulet, sauce huître, n'oublie pas, on pleure quand on meurt et on rit quand on est. Jusqu'à 10h30, les enfants de cœur sont sur Vivacité. L'humoriste professionnel Cody, évidemment, dans les enfants de cœur. On l'avait reconnu. Depuis l'église de Martouré en compagnie de Juan d'Outremont. Dans quelques instants, les blagues de merde. C'est vrai que vous parliez un petit peu des difficultés d'exister dans le métier. Votre société s'appelle d'ailleurs, votre vrai métier c'est quoi ? Oui, mais votre vrai métier c'est quoi ? C'était pour quand j'allais au Brico acheter des trucs, la dame me demandait, la caissière me demande, enfin elle me demande toujours, vous avez une société ? Enfin oui, et je dis oui, mais votre vrai métier c'est quoi ? Alors elle me dit, mais monsieur, excusez-moi, je dois vous poser la question. Voilà. Dominique. Moi j'ai une petite question à poser à Juan, parce que je sais qu'il a raconté une grosse farce qu'il a fait il y a une paire d'années, et ça m'a fait super rire quand tu avais raconté cette farce, cette fameuse invitation. Ah oui, j'ai invité un certain nombre de mes amis au mariage de Philippe et Mathilde. Et donc, c'est drôle parce que j'avais vu sur RTL pendant le JT, ils avaient montré l'invitation. Et je sais pas, j'avais enregistré le truc. Et du coup, j'ai fait une superbe, parce que c'est ça l'avantage maintenant, Photoshop et tout ça, une sup sur papier vélin, tout ça, une super invitation avec une enveloppe, avec une couronne et génial. Tout ça. Donc je l'avais envoyé à Philippe Gueluc, Marc Moulin, tout ça, et je les avais aussi envoyés à mes parents pour savoir quand ça arrivait, quoi. Et donc j'avais été les déposer à Laeken. Dans la boîte aux lettres pour qu'il y ait le cachet là. Oui, oui, oui. Et donc le lendemain, je téléphone à mes parents. Tu as bonne nouvelle ? Rien. Rien. Le surlendemain, ils ne comprenaient pas. Je leur téléphonais jamais. Et puis tout d'un coup, tous les jours, je leur téléphonais. Et comment ça va ? Vous êtes chouette ? Et rien. Et donc, 4 jours après, toujours rien. Donc c'était l'époque où je faisais le jeu dictionnaire, et puis le jeudi arrive, vous savez, on partait tous les jeudis en camionnette, et puis donc on est dans la camionnette, et je vois Jacques Mercier arriver avec une tête, parce que je lui avais envoyé une truc. Bravo Tégac. Il y avait 2 policiers du palais dans mon bureau. Alors je prends un air innocent en faisant semblant de rien, et puis très... Et en fait, il est évident que la poste de Laeken avait très bien compris que le roi ne dépose pas ses invitations dans la boîte aux lettres, quoi. Et du coup, ils avaient repéré le truc, et donc, ils avaient vu un certain nombre de destinataires, et il s'était dit, sans doute, parce que le nom de Jacques Mercier, il s'est dit, c'est l'occasion d'aller voir Jacques Mercier. Et il avait travaillé pendant une après-midi. Parce qu'évidemment, ce qui les faisait flipper, c'est qu'ils en avaient récupéré 5. C'était les 5 que j'avais fait. Mais ils pensaient qu'il y en avait des milliers. Et donc, ils imaginaient qu'il y allait avoir des milliers de personnes qui allaient arriver au mariage de... et voilà, donc tout ça pourquoi c'était jamais arrivé chez mes parents. Et ça fait des souvenirs tout de suite. Et ça fait oui, des bien souvenirs. Sûr. Hein. Après un été bien mérité, nous serons le 30 août prochain à Hête, au Petit Théâtre Entre Nous, avec Eliott Génico de la Comédie Française et David Bartholomé du groupe Charcot. Les réservations 0479 04 33 31. Mais avant cela, en compagnie de Christophe Bourdon et de Dominique Watrin, nous partons au Québec enregistrer oui. 2 émissions avec 2 chroniqueurs québécois, la charmante Gabrielle Caron et Gilles Payet. Et puis l'an prochain, vous aurez votre tour. J'espère. Bien sûr, on y compte bien. Ce sera en Flandre. C'est l'heure, c'est l'heure des blagues de merde. Je demande à Huguette de nous rejoindre. Venez près de Juan, Huguette. Ça vous permettra de le savoir. Non, non, restez. Non, non. Elle va s'installer simplement à côté de vous. J'aime vos chansons. Ça va. Ah, ben voilà. Ravi. Voilà. Ouais. Vous devriez lire également son roman, Compte à rebours, qui commence, c'est marrant, Compte à rebours, qui commence à la page 365. Ah, c'est une très, très belle idée, déjà, ça. Vous allez bien, ma chère Huguette? Oui, à part. En pleine forme? Oui, oui. Vous êtes de Marcouret même? Non, non, je suis un peu plus loin. Je suis de Sommeleuse. D'accord, vous devez faire un petit peu de route pour venir voir les enfants de cœur et vous passer une bonne matinée. Oh, parfait. C'est essentiel. Allez, c'est à vous, blague de merde. Regardez le public et les caméras. La blague de merde, mais qui fait quand même toujours plaisir, plaisir. Eh bien, c'est l'histoire d'un nain qui a 23 enfants. Elle est courte, mais elle est bonne. Bravo. Vous recevrez la bière de Rande, Ambray et Brune ainsi qu'un verre. Et vous cédez le micro à Roger pour une autre blague de merde. C'est on bien, peut l'applaudir, Huguette, évidemment. C'est bien. Venez près de nous, Roger. Il n'y a pas de vulgarité, c'était bien. Je vous présente Juan d'Outremont, toute l'équipe des Enfants de cœur. Bonjour, Juan. Vous pouvez le faire. Regardez bien votre public. Je ne sais pas pourquoi, Roger, mais j'ai l'impression que vous venez de Sommeleuse. C'est juste. C'est vrai? Je suis le mari de ma femme. Ah, vous êtes le monsieur du guette. C'est ça. Vous faites les blagues de merde, même en famille. Oui. D'accord. Et donc, elle est courte, mais elle est bonne. Non, si on veut. Non. Lui, elle est simplement courte. Roger, à vous, blague de merde. La blague de merde, mais qui fait quand même toujours plaisir, plaisir. L'histoire se passe dans une école. C'est pendant l'heure d'études. L'institutrice remarque au fond de la classe le petit Cody qui passe la main sur la langue et qui se la frotte au front. Oui. Intriguée, elle va trouver le petit Cody. Voyons Cody, pourquoi est-ce que tu fais ce rituel? Pour rien, madame, j'étudie ma leçon et continue. Et à un moment donné, non, Cody, explique-moi. Franchement, pourquoi est-ce que tu fais ça? Ben voilà, madame, hier soir, en passant devant la porte de la chambre de mes parents, j'ai entendu maman qui disait à papa, mouille la tête, ça entrera mieux. Oh. Roger, voilà, alors, voilà, voilà. Alors Roger. Voilà, si je comprends bien, Roger, vous avez déjà deux bières, celle de votre femme, et bien vous partagerez celle-là. Et nous, on partagera les vôtres. Ça va, donc, quoi. Cadeau quand même pour vous et pour Divan, mon cher Roger. Je ne sais pas si vous avez vu, Jean-Jacques, mais aujourd'hui, dans le public, on bat un record. Je descends dans la salle parce que je pense qu'on a notre plus jeune spectateur. Ah oui. Quel âge a-t-il et comment s'appelle-t-il? Il a un mois, il s'appelle Pablo. Et voilà, mais on a un spectateur a fille, d'un mois dans la salle. Il a une voix de fille. Un oui. mois. Est-ce qu'il peut nous raconter une blague de merde? Pablo n'a pas encore de blague de merde, mais avec ses parents, il va sûrement en apprendre. Bah, bienvenue parmi nous, Pablo. Merci beaucoup, mon cher Roger. C'est la troisième fois que je vous le dis, donc vous pouvez rejoindre votre place et rendre le micro. Les enfants de cœur de Vivacité. Ça fait longtemps qu'ils ont fait une croix sur le bon goût. Used to be so kind, you forgot that I didn't. ready for the show, show, show. The magic of the night, dance until the light. Oh, come on, come on, come on. I'm falling. Sur Vivacité. Oh mon Dieu. Dans quelques instants, chers amis, les informations de 10h sur Vivacité. Nous retrouverons Cody et sa chronique qui parle de... De Marc Houret. De Marc Houret, la carte postale. Et c'est lors de la nuit de Noël que le colonel Hogan ordonna de détruire ses véhicules et de traverser les lignes allemandes pour rejoindre les positions américaines à Soy, soit. Et là, il a dit... À Soy. Le Soy, c'est toi, tu sais. Non mais... Nous aurons le feuilleton signé Christophe Bourdon, les Barakis qui sont aujourd'hui à Peridaisa et aïe aïe aïe, ça ne se passe pas comme on le voudrait. Hé hey, tonton, regarde, il y a Ao Ao qui tient une pancarte là. Bah oui, c'est à cause de Marc Goblet, je vous l'ai dit, elle est en train de manifester là. Comme l'espérance de vie du panda géant n'est que de 25 années, le mâle a une pancarte avec non à l'allongement de l'âge de la pension à 23 ans. Et puis bien sûr, notre ami Jean-Michel de Bénezet. L'ami Jean-Michel qui s'ouvre au monde. Allez voir les images sur rtbf.be/ovio. Oui. Calmez-vous. Oui, parce que je me dis, il n'y a pas que Bénezet dans la vie. Hein, donc voilà, je suis ailleurs. Hein. Non, je sais bien que ce n'est pas bien de se moquer du malheur des autres. Mais les Français, des fois, on peut. Parce qu'ils avaient des inondations, ben comme chez nous, hein, parce que les nuages, ça ne s'arrête pas à la frontière. Hein. Et alors, ils interviewaient, pour une fois que j'écoutais un journal, le TF1, enfin la TV d'AE, là, que je paye la redevance, j'ai bien le droit. Hein. Et alors, il dit, oh, il y a mon jardin qui est inondé, ma cave qui est inondée, et même ma piscine est noyée. Il m'a fallu le temps, hein. Je me suis dit, mais enfin, comment est-ce qu'on noie une piscine? Parce qu'il y a des limites quand même. Mais sinon, il m'est quand même arrivé une. J'étais avec mon ami du mardi en terrasse. Et je regardais un homme, et je ne sais pas pourquoi je le regardais. Il avait un t-shirt, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et à ce moment-là, je regarde mon ami. Je devais avoir une soirée de rêve, hein. J'ai passé une nuit de cauchemar. Bon, je vais me remettre en coulisses et je reviens. Allez, à tout à l'heure vers 10h15 sur Vivacité, tout de suite, les informations. Voir Christian Marqué sur un écran aux couleurs éclatantes. Choisissez votre TV pour le foot dans un magasin Vandenborg et emportez-la directement. Vandenborg. Très bon dimanche à tous. Ce matin, les nuages bas seront nombreux, malgré quelques éclaircies locales, mais il fera généralement sec. Il y aura un risque de formation de brume au sud du Sion sans brumeuse. En cours d'après-midi, le temps restera généralement sec, avec des éclaircies plus répandues, mais les nuages bas pourraient rester tenaces, surtout sur l'est du pays. Les maxima seront de l'ordre de 13 degrés en Ardennes, autour de 17 degrés au littoral, et autour de 19 voire 20 degrés dans le centre. Le vent de nord-ouest deviendra faible et variable. Grande braderie de Warhem, c'est 24, 25 et 26 juin. Vendredi dès 15h, samedi et dimanche dès 10h, avec concerts, défilés de mode, blind test, Jack Mouth et ses flaeux, djembé, zumba et le beach volley de Warhem les 3 jours. Faites le plein d'animation et de bonnes affaires à la braderie de Warhem. Navette et parking gratuit au départ du collège Saint-Louis. Bienvenue à tous. Vivacité à Serein. En toute complicité. Sur 90.5 FM. En 1997, les JFO, ça donnait ça. Il est mignon. Wow. Une glace, s'il vous plaît. 20 ans plus tard, ça donne ça. Oh, c'est dingue, ça. Délicieux. Les journées fermes ouvertes, c'est 20 ans de plaisir en famille. Détente, découverte et dégustation. Plus d'infos sur jfo.be. Une initiative de la PACW avec le soutien de Vivacité et Sud-Presse. Bonjour, pompe numéro 9, s'il vous plaît. Alors, au total, ça vous fera un maillot de cycliste, des sacoches et un vélo trek. Ah oui? Super! Faites un plein de 25 litres ou plus dans une station Esso ou Esso Express participante pour avoir la chance de gagner de fantastiques équipements cyclistes et des vélos. Rentrez le code indiqué sur votre ticket de caisse sur esso.be/fr/cycling, soumis à conditions. Un site d'offre d'emploi traditionnel sait que vous recherchez un contrat à durée déterminée en tant que ouvrier de production dans la région de Liège. Notre consultante de Randstad en sait beaucoup plus. Bertrand, ah, ça c'est un vrai globe-trotteur. Entre deux grands voyages, il n'hésite pas à travailler pour pouvoir financer ses prochains projets. Derrière notre moteur de recherche rigoureux se trouvent des consultants Randstad sérieux. Prenez rendez-vous pour un entretien personnel. Jetez un coup d'œil sur randstad.be. Randstad, good to know you. Vous êtes bien branchés sur Vivacité, il est précisément 10h. Le journal en compagnie de Julie Buron. Bonjour à tous. Après la belle victoire des Diables Rouges hier face à l'Irlande, place dès aujourd'hui au dernier match couperet. Chaque équipe va disputer son troisième match. La France est déjà qualifiée, mais elle veut terminer en tête de son groupe pour avoir un meilleur parcours ensuite. La France joue contre la Suisse à 21h à Lille, tout près de chez nous. La France, où on veut désormais désamorcer l'affaire du vrai faux bras d'honneur de Paul Pogba et où l'entraîneur Didier Deschamps va peut-être faire tourner son effectif. On écoute le gardien et le capitaine Hugo Lloris. Le plus important, c'est que je sens 23 joueurs concernés. Comme vous avez pu le constater lors des célébrations des buts, on sent vraiment un groupe uni. Après, il y a toujours, oui, un souci de fraîcheur, mais l'objectif numéro un, c'est de gagner cette rencontre, de terminer à cette première place, et il faut le faire. Lorsqu'on a un statut dans ce groupe, il faut répondre aux attentes, donc il faut finir le travail. Et ce soir, il y a aussi Roumanie, Albanie. Les deux équipes doivent gagner si elles veulent passer. La menace terroriste nous rattrape encore ce week-end. 3 personnes ont été placées sous mandat d'arrêt après les 40 perquisitions dans la nuit de vendredi à samedi. 3 hommes inculpés de tentative d'assassinat. Le juge les soupçonne d'avoir préparé des attentats en Belgique. Tous 3 connaissaient les kamikazes du 22 mars. Les enquêteurs ont intercepté des conversations téléphoniques qui évoquaient notamment l'écran géant sur la place Rogier pendant le match des Diables. Hier. Au total, il y avait eu 12 interpellations. Les 9 autres suspects ont été relâchés. Un incendie dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Saint-Aude en province de Luxembourg. Le feu a pris vers 2h du matin. Le centre a dû être évacué. Il n'y a pas de blessés. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine du feu, même si la piste d'un problème électrique est privilégiée à ce stade. À 4 jours du référendum sur le maintien dans l'Union européenne du Royaume-Uni, encore sous le choc du meurtre d'une députée, la campagne du Brexit reprend aujourd'hui. Elle reprend avec l'intervention de plusieurs figures politiques dans les médias, dont celle du Premier ministre David Cameron, qui répondra ce soir aux questions du public en direct sur la BBC. Et puis à Rome, place au second tour des municipales, un scrutin à haut risque pour le gouvernement en Italie, où le mouvement 5 étoiles, le parti populiste du comique Beppe Grillo, ce parti pourrait remporter la mairie de Rome. Retour chez nous, on se rend à Charleroi où se tient la traditionnelle brocante des quais. Un moment très attendu par les chineurs Carlo, ils l'attendent même toute l'année. Je suis un fouilleur, mais un fouilleur pour mon propre usage personnel à moi. Un truc un peu spécial, qu'on trouve partout ailleurs et pas trop cher. Je trouve toujours tout, moi. Quand je cherche, je trouve. Moi. Des petits bazars pour enfants, des jeux de société. Surtout les jeux de société qui coûtent très cher dans les magasins, on peut trouver pas cher chez les brocantes. 25 ans, je viens ici. Ben, j'aime beaucoup les Ferrari, les voitures, les Vespa. J'ai des bons prix dans tout. Je fais des prix pour tout. Il y a les Volkswagen là qui marchent très bien aussi. Ça, c'est le top, ça. Le collectionneur de Volkswagen. Voilà. Il y a les camions pompiers aussi. Qui marche très bien. Je viens d'en vendre 4 maintenant, des petits, j'en ai peu. Est-ce qu'à Charleroi, il y a de quoi faire votre bonheur dans une brocante un peu sous la pluie? Oui, je trouve chaque fois quelque chose. Chaque fois. Pas grand-chose, mais je trouve quelque chose. Qu'est-ce que vous avez vendu qui vaut si cher? Des outils. On a vendu pour 2 écoles. On a vendu chaque fois à peu près une centaine à chaque. Déjà deux fois 100 outils. C'est un petit chiffre d'affaires là quand même. Ça paye l'emplacement. Donc la vente, malgré la tempête, elle s'est passée quand même. Voilà, c'est parfait. Ouais, ouais. Et tous ces chineurs étaient au micro de Luciano Arcangeli. Tout de suite, eh bien, on retrouve Jean-Jacques Brunin, c'est les enfants de cœur sur Viva. Merci beaucoup, c'était le journal de Julie Buron. Et nous retournons directement dans le cœur de l'église de Marcouret. Ouais. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'1 milliard d'euros pour leur crédit? c'est le cas, CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Tous ensemble ou encore tout en rouge. Un principe que ma banque a déjà appliqué à mon compte bancaire. Tout en rouge. Les enfants de cœur. Depuis l'église de Marcouret en ce dimanche. Avec un magnifique public. L'équipe est composée de Christophe Bourdon, Dominique Watrin, Cody oui. et Jem Dino. Et notre invité, l'excellent Juan d'Outremont. Mais oui. Vous parlez tout à l'heure de la famille royale. Il faut quand même préciser, mon cher Juan, que vous avez un titre de noblesse. Vous êtes comte. Ah ben oui, je suis comte. Oui, donc vous connaissez la famille royale. Vous avez des grands bals, des choses comme ça? Non, pas du tout. Non pas du tout. La seule fois où j'étais au palais, c'était pour Bruxelles 2000, hein, quand Bruxelles, parce que j'avais un projet. En quelle année? En demain. À question idiote, réponse idiote. Non, mais alors c'était très drôle. Donc c'était plein, on était plein d'artistes accueillis au palais. Donc il y avait le roi, la reine. Et alors on était dans les serres. Et il y avait des serveurs en veste fuchsia très très voyante avec des écouteurs un peu comme le Mossad. Tout le monde s'est dit, mais pourquoi ils sont... Et en fait, c'était les gardes du corps. Mais ils avaient des têtes de serveurs. Ils n'étaient pas crédibles du tout. Ils n'étaient pas crédibles du tout. Et donc, on les repérait déjà. Donc, si on avait voulu faire un mauvais coup. Et alors, enfin, oui, je ne sais pas si c'était avant le mariage ou quoi. Parce que j'ai toujours été un peu étonné qu'on m'invite. Après toutes les conneries que j'avais fait au palais. Je ne sais pas, pour la mort du roi Baudouin, téléphoner à Marc Moulin, comme si c'était le palais, en lui demandant de la musique pour à Jacques Mercier, c'était le jour de son mariage. Je lui ai dit qu'il était réquisitionné pour faire le speech. Et il me disait, mais non, ça ne va pas être possible. Et alors, j'avais téléphoné, comme si j'étais bucois, à Philippe Geluc, et j'avais eu Dany, sa femme. Et je dis, il faut qu'il me fasse un dessin bien dégueulasse avec le roi qui meurt en faisant une branlette ou un truc. Et alors, un truc dingue, la veille, j'étais au cinéma, il y avait Larambert encore dans les galeries, et donc j'étais avec ma compagne, on va au cinéma, et le soir, je me gare toujours près de Sainte-Gudule. Et donc on remonte près de Sainte-Gudule, et on voit le porche vaguement éclairé, et puis on voit des Japonais qui prennent des photos, tout ça, on remonte, et puis le choc, on voit 6 militaires, mais il était 11h30 du soir, on voit 6 militaires avec un cercueil qui monte, et en fait, ils s'exerçaient. Ah oui. Je peux vous dire que dans les albums de photos des Japonais, là-bas, ça... Ils doivent se dire que, en Belgique, monsieur, non, ce qui était surtout douloureux, c'est pour le 7e militaire qui était dans le cercueil pour leur entraînement. Mais alors, évidemment, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'ils avaient mis dû mettre des sacs de sang. Enfin, le roi Baudouin n'était pas lourd, mais je veux dire qu'ils avaient quand même dû mettre un peu. C'était très, très impressionnant. Ah oui, je n'en doute pas. La chronique de Cody. Les enfants de cœur. Marcouret, joli petit village ardennais situé à environ 300 mètres d'altitude, entouré par de jolies collines. D'ailleurs, en parlant de collines, excusez-moi de vous couper, mais vous n'allez jamais me croire, mais la semaine dernière, c'est vrai, j'étais en voyage en Suisse et j'ai rencontré Phil Collins. Phil Collins. Phil Collins. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je suis certain que lui aussi, d'ailleurs, il se souviendra de moi toute sa vie. Je lui ai fait une superbe blague en partant. On se salue et puis je lui dis « Allez, Phil Collins !» Je vous promets que c'est vrai. J'en ai fait une autre, je lui ai dit, on a tous en tête une chanson de Phil Collins, hein, comme par exemple la fameuse « Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur Phil Collins ». Désolé pour cette digression, mais j'ai plein d'étoiles dans les yeux encore depuis cette rencontre. Alors, j'ai eu aussi des étoiles en arrivant à Marcouret, car je trouve ce village de la commune de Rendeux magnifique. Hein. Parlant de magnifique, vous savez que j'ai aussi rencontré Pamela Anderson. Pamela Anderson lors de sa venue en Belgique pour la promo des croûtes de pizza portant son nom là. Alors pour ceux qui s'en souviennent, elle était magnifique. Je ne sais pas pourquoi cette commune me fait penser à elle, mais enfin bon. J'ai même eu la chance de parler avec elle et tout de suite elle m'a fait penser à une station-service. La poitrine, c'était du Super 98 et le cerveau du sans-plomb. Alors c'est marrant que je parle d'essence, parce que ici, lors de la bataille des Ardennes en 1944, la 3e division blindée américaine, 400 hommes, sous les ordres du général Maurice Rose, se retrouve encerclée par les troupes allemandes à Marcouré car ils étaient en manque de carburant. Alors c'est vrai ou pas ? Il y a personne qui... Il y en a un qui a dit non. Non, c'est pas exactement comme ça, ils étaient 394. On c'est ça. C'est ce qui est marqué sur Wikipédia. Et c'est lors de la nuit de Noël que le colonel Hogan, et là vous me direz si je me trompe, le colonel Hogan ordonna de détruire ces véhicules en disant « Détruisez ces véhicules !» Voilà. Et de traverser les lignes allemandes pour rejoindre les positions américaines à Soy, Soy, et Soy. Et là il a dit... À Soy. Le Soy, c'est toi, tu sais. Ouais. Non mais c'est le colonel Hogan. C'est parce qu'il veut un chinois qui est Chop Soy. Non mais il parle comme ça avec un accent Soy, lui. Que ce mouvement, ce fameux mouvement mettra fin évidemment à l'encerclement de Marcouré. Ah, les Américains, ils sont quand même forts. Hein. Attends, parlons d'eux. Vous savez que j'ai rencontré un ancien président des USA, Bill Clinton. Je suis rentré dans son bureau à la Maison Blanche. Je me souviendrai toujours de ses premiers mots. Dites-moi, mon cher Colly, l'odeur de la pipe ne vous dérange pas trop ? C'est sérieux, j'ai appris plein de choses là-bas. Vous savez comment on appelle sa braguette à Bill Clinton ? L'US Open. Mais pour revenir à Marcouré, parce que c'est ça qui nous occupe, saviez-vous qu'avant la fusion de 1997, Marcouré faisait partie de la commune de Marcourt ? Marcourt, Marcourt, la maladie d'amour. Non, c'est marrant, c'est Michel Sardou. Lui aussi, je l'ai rencontré. Hein. Il était avec Patrick Bruel. Et c'est après les avoir rencontrés tous les deux que j'ai trouvé cette fameuse devinette. Michel Sardou et Patrick Bruel sont dans un bateau. Le bateau coule. Qui est sauvé ? La chanson. La chanson française. Ah, il y a des fans. Ouais. Donc, il n'y a personne de droite dans la salle. Alors, je suis content d'être à Marcouré. Hein. L'air doux et paisible me fait remonter de nombreux souvenirs. Et puis, je garderai cette commune aussi comme un bon et long souvenir, car c'est ici que j'aurai fait ma dernière carte postale de la saison. Et sachez, chers randeusiens et randeusiennes, que Marcouré est gravé dans mon cœur à jamais. Merci, bravo, Conny. La petite pause sur Vivacité. Et puis, Jean-Michel de Beneza tout de suite. Retrouvez les enfants de cœur en podcast et vidéocast sur vivacité.be. Ce lundi 20 juin, c'est la journée du personnel d'entretien. Pour Lila, Violette, mais aussi Paulette ou Antoinette. Pour tous ceux qui rendent notre quotidien plus net. Faites comme moi, dans ces fleurs. Ce lundi 20 juin, offrez des fleurs. C'est du bonheur. Avec le soutien de la PACW. Vivacité présente le temps des guinguettes au domaine provincial de Chevetogne. Venez vivre les plaisirs simples d'une fête populaire à l'ancienne. Guinguettes, musique, danse, jeux, théâtre de rue, joutes nautiques, marché du terroir. Les samedis 25 et dimanche 26 juin dès 11h. Info sur domaine-de-chevetogne.be. Avec votre journal 7 dimanche et la bière La Chevetogne. Le soir présente les nouvelles bilingues. Edgar Allan Poe, Dickens, Virginia Woolf. 30 livres CD pour réveiller votre anglais. Avec une sélection de nouvelles en version originale, leur traduction française et un CD pour travailler votre accent. Dès ce vendredi 17 juin, Oscar Wilde, le fantôme de Canterville, 1 euro seulement. Les numéros suivants chaque samedi avec le soir. Ces 25 et 26 juin, les journées Ferme Ouverte, organisées par la PACW, fêtent leurs 20 ans. À cette occasion, Vivacité et la PACW vous offrent une foule de cadeaux fermiers, des paniers de produits de la ferme, des week-ends à la ferme et des cadeaux 90s. Rendez-vous sur Vivacité pour ne pas manquer cette chance. Les fermes ouvertes, 20 ans de plaisir en famille. Plus d'infos sur jfo.be. Le Festival de Dour, un des plus grands festivals d'Europe, revient pour 5 jours d'amour et de musique alternative avec des noms mythiques et des sons de demain. Danak Hill, The Prodigy, Sigur Rós, Wiz Khalifa, Pixies et bien d'autres encore. Dour Festival, du 13 au 17 juillet. Plus d'infos, dourfestival.be. Avec le soutien de Vivacité et la 2. Ça va swinguer à Visée. Du 16 au 19 juin, grande braderie et ambiance festive. Samedi et dimanche, 30 ans du festival de jazz. On sort les tonnelles. Parking gratuit et animation. Magasiné à Visée ce week-end. Avec qui a donné, la parfumerie Eve et la papeterie Wagelmans à Visée. Une maison Batico ? Oui, une maison prête à vivre. Tout est vraiment fini. Vraiment ? Et l'extérieur ? Ils ont pensé à tout, des raccordements aux plantations, tout est entièrement terminé. Oui, mais à l'intérieur ? Aucune surprise, tout y est. Volets, parquets, meubles de salle de bain, et même une cuisine entièrement équipée avec électro de qualité allemande. Et le délai ? Et le prix ? Chez Batico, pas de mauvaise surprise. Les prix sont renseignés, tout frais compris. Et les délais ? Ils sont toujours respectés. Batico, plus qu'un nom, une signature. Surfez dès maintenant sur batico.be. Du jeudi 16 au dimanche 19 juin, moins 30% sur des milliers d'articles printemps-été chez Espace Mode. Nocturne le vendredi 17 jusqu'à 20h et ouverture le dimanche 19 de 10 à 17h. Salut, c'est Mahmoud de Kaboul Glass. Vous voyez ce petit éclat sur le pare-brise? Eh bien, ça peut arriver à n'importe qui quand on se gare à proximité d'une lapidation bien méritée. Jusqu'à 10h30, les enfants de cœur. À notre ami Comi, Grégoire Biasse dans l'équipe pour cette fin de 6e saison, oui. Et démarrage de la 7e très bientôt. Cody qui est tombé en amour de Marc Courret. Ah ben oui, mais oui, je me suis fait tatouer carrément le nom de la ville sur le cul. Oui. Enfin, pas tout, hein, j'ai mis juste Marc Courret et puis il y a l'arrêt. Juan, c'est pour vous. Petit extrait musical, vous me dites si ça vous dit quelque chose. Alors, c'est du rockabilly, le chanteur s'appelle Patrick Huchen. Oui. Copycat. Il a fait l'Eurovision. 2009 à Moscou pour ah, le oui, Grand Prix. Ah oui, oui, oui, oui. Et c'est avec Miam, oui, bien sûr. De oui, Miam oui. Monster Miam. Excusez-moi, oui, oui, j'avais oublié. Ce qui est marrant, c'est qu'il disait avant qu'il ne soit dans la compétition, la RTBF et son candidat entretiennent de très gros espoirs de qualification pour la finale du prix Eurovision. Il n'a pas passé le cap de la présélection. 17e. Et il a récolté combien de points? Parce qu'il y avait la fameuse wine point. Oui, il a récolté un point. Ah oui, mais c'est ce qu'avait fait Telex, hein. Ah oui, c'est vrai. Belgium c'est vrai. Wine Belgian point. Belgian wine point, exactement. J'ai lu aussi parmi vos déclarations, donc vous avez tout à l'heure dit je déteste les humoristes. Comme quoi il faut être prudent dans les déclarations. J'aime beaucoup celle-ci, je mens énormément. Et avec beaucoup d'aplomb. Oui, oui, j'adore ça. Je sais pas, ma mère mentait beaucoup aussi. Donc il y a eu une filiation. Ça. Non, mais c'est plutôt, c'est pas pour me dédouaner de trucs. C'est du jeu, quoi. D'abord, c'est tout à fait du jeu parce qu'on peut faire croire des trucs absolument incroyables aux gens. Et puis, je crois que c'est dans la logique de ce que faisait ma mère. C'était plutôt pour rendre la vie un peu plus sexy, un peu plus drôle, un peu plus. Mais c'est un jeu excessivement excitant et je le fais vraiment. C'est quoi le plus gros mensonge que vous avez fait alors ? Non, je sais pas. J'en fais tout le temps. Mais vous dites quand vous mentez ou pas ? Vous entretenez, vous ne dites pas. Bah, je sais pas quand je disais tout à l'heure que j'étais super content d'être là. Mais, moi, j'ai une question. Est-ce que vous mentez parce que vous n'assumez pas d'être un génie ? Non, c'est vraiment un plaisir. Je mens beaucoup. Quand je fais la cuisine, j'adore faire la cuisine. Je la fais de façon assez efficace et plutôt bien, disons. Mais parfois, je fais des raccourcis comme ça. Et donc, je parviens à faire passer des trucs absolument immangeables. Et les gens se disent, c'est formidable. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais voilà, c'est une pratique comme une autre. C'est un sport. Je déteste marcher, je déteste me promener, mais j'adore mentir. Donc, on va faire une carrière dans la politique, en tout cas. Ah oui, oui. En tous les cas, en voici un qui ne ment jamais. Il s'appelle Jean-Michel de Bénezet. Moi, c'est Jean-Michel. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Ouais. Vous connaissez la différence entre Philippe Lafontaine qui chante Cœur de loup et James Dino qui chante Squatter les terrasses ? Non. Il y a un des deux qui n'a jamais rien gagné, mais qui me connaît. Peut pas tout avoir non plus, hein ? Ouais. Non, écoutez, pour une des dernières émissions, j'aurais bien voulu être positif. Mais je ne saurais pas. Parce que je suis remonté comme un coucou, hein, là. Je suis au bord de la crise de nerfs. Si j'avais des nerfs, je serais en crise, hein. Que je vous explique. Quand vous croisez un véhicule exceptionnel, vous dites « Oh, mon Dieu, une Ferrari !»« Oh, une Rolls-Royce !» Nous, à Liège, on dit « Oh, un bus !» parce que c'est exceptionnel de voir passer un bus maintenant. Vous voyez un bus, vous le prenez en photo, vous mettez sur pause, hein. Il y a un truc tout simple à Liège, pour reconnaître un mec qui n'est pas liégeois. C'est tout bête, il attend le bus. Nous, on ne l'attend plus, hein. C'est fini, hein. On a recyclé les aubettes et les abribus, on appelle ça des bancs maintenant chez nous. On va s'asseoir sur un banc, c'est tout. Point à la ligne, quoi. Au point qu'on en est, hein, que, et c'est pas une blague, hein, maintenant on vient d'inaugurer un bateau à Liège. Il y a déjà ça à Namur apparemment. C'est un bateau qui fait 3-4 arrêts sur Liège. On se dit, ben, faute d'avoir des bus, on va prendre le bateau. J'ai été une fois. J'arrive, il y a le bateau qui était là, pas de pilote. Je me dis, il n'est quand même pas en grève, l'homme. Hein. Il n'était pas en grève, du tout, du tout, du tout, du tout. Seulement pour se rendre à son travail, il prenait le bus. Vous savez, chez nous, on devient philosophe, hein, quand même. On se dit, dans la Gazette de Liège, qui paraît uniquement à Liège, ce qu'on voudrait bien, c'est... Vous voyez, à la fin, il y a un truc qui s'appelle, j'ai retenu le nom, les éphémérites, qu'on dit les marées hautes, marées basses. Eh bien, nous, on aimerait bien qu'on ajoute bus oui, bus non. Comme vous avez l'indice de l'air, là, vous voyez que c'est du bon ou pas du mauvais et tout ça, de 0 à 10, ben chez nous, on aimerait bien d'avoir un indice tech. Ça nous arrangerait fort bien. Mais c'est pas grave. Maintenant, je sais pourquoi je suis de Liège. Hein, mais que ce soit en bus, à pied ou en train, là, passez des bonnes vacances, parce que dans la vie, il y a quand même tandis que ça quoi qui ne va naître. Merci beaucoup Jean-Michel. Vos CD et les images sur rtbf.be/audio. A tout de suite avec le feuilleton Les Baraquis. Le dimanche matin sur Vivacité, les enfants de cœur sont sacrément drôles. UEFA Euro 2016. Vivez tous les matchs en direct sur Vivacité. Ce dimanche, Suisse-France et Roumanie-Albanie. Les deux derniers matchs du groupe A. But après but, avec la rédaction des sports. Et dès 20h en direct de Nice avec l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre un euro bleu, blanc, diable. Avec voyage-sncf.com et l'Office du tourisme et des congrès de Nice. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. On n'est pas des pigeons, vous non plus. Alors rendez-vous lundi dès 11h sur Vivacité. Vivacité et la 2 présente les Bikers Classics. Les 2 et 3 juillet, la MotoGP fait son retour sur le circuit de Spa-Francorchamps. Lifestyle Village consacré aux café racers. Parades, concerts, courses d'endurance et présence de champions tels que Giacomo Agostini, Christian Sarron ou Bradley Smith. Tickets et informations sur bikersclassics.be. Un événement DG Sport. L'avenir vous emmène au resto avec son supplément Table d'été. Profitez de nos menus au prix estival de 29€ par personne, apéro et vin compris, dans des restaurants sélectionnés pour vous. À découvrir dans l'avenir, ce mardi 21 juin. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Voir Thibaut plonger sur un grand écran ? Chez Vandenborre, nous sommes prêts pour le foot. Avec les dernières TV pour la meilleure expérience visuelle. Vandenborre. En 1997, les JFO, ça donnait ça. S'il vous plaît. 20 ans plus tard, ça donne ça. Mmh. Oh, c'est dingue ça. Délicieux. Les journées fermes ouvertes, c'est 20 ans de plaisir en famille. Détente, découverte et dégustation. Plus d'infos sur jfo.be. Une initiative de la PACW avec le soutien de Vivacité et Sud Presse. 9h, 10h30. C'est l'histoire d'un type qui n'a plus de bras, plus de jambes, plus de corps, qui n'a plus qu'une tête en fait. Le jour de son anniversaire, toute sa famille arrive chez lui avec un gros cadeau et le type leur dit... Je sais, c'est un chapeau. Les enfants de cœur. Dominique Wattram a été bien trouvé. Invité ici à Marcouret par le comité des fêtes de Marcouret et avec notre invité Juan d'Outremont pour la toute dernière partie des enfants de cœur. Dernière chose que vous faites fort bien, mon cher Juan, vous êtes collectionneur de tout. Oui, oui, oui. On m'a dit que le dimanche, il ne fallait pas compter sur vous, vous étiez sur toutes les brocantes. Non, mais je collectionne les collections, j'ai 200 collections. Ah oui. En fait, je n'ai pas de sympathie pour les, pas plus pour les humoristes professionnels que pour les collectionneurs monomaniaques. Il n'y a rien de plus terrible quand vous allez dans les bourses de collection. D'abord, c'est des types qui sentent toujours un peu, parce qu'ils se lèvent toujours très tôt sans se laver les dents pour aller sur les brocantes. Leurs femmes les accompagnent parce que sinon on ne les voit pas. Et puis alors, ils parlent toujours comme des comploteurs en disant qu'ils ont rencontré ou ils ont vu des trucs. Donc voilà. Donc d'emblée, je préférais collectionner les collections. Et c'est devenu à la fois une pratique, en effet, c'est un sport, mais c'est une pratique que j'investis. Par exemple, l'exposition de... Musée d'Ixelles. Musée d'Ixelles, c'est ça part d'une collection, c'est-à-dire j'ai 300 et des vinyles différents du tableau d'une exposition. D'accord. De Moussorgski. Par exemple, je collectionne tous les mots faux dans les titres de journaux. Ah oui. Mm-hmm. Ah oui. Mais alors c'est très con, mais évidemment les collections, c'est la radicalité qui compte. Mm-hmm. Je sais pas, je collectionne les faux caca des magasins de farce et attrape. Mais du coup, tous mes amis m'en ramènent. Alors ils sont à chaque fois. Oh. Je suis un très grand archiviste, ce qui vaut de la place évidemment. Et donc il y a chaque fois le pays d'où ça vient qui nous a ramené. Je collectionne les fonds de photomaton. Donc c'est des photomaton blancs. Ah oui. Ah oui, les photos, pas les fonds. C'est-à-dire que je demande aux gens de me faire... C'est super beau, donc c'est une petite bande blanche, parfois noire, oui. Avec deux copains humoristes, on organise des dîners, si ça vous dit. Alors, vous avez des... Non mais alors, oui. Ça me ferait très plaisir qu'au Canada, en général, il y a toujours un photomaton dans les aéroports. Qu'on fasse une photo. Ben oui, ben je le rembourse. Hein, on vous ramène ça. Je ne sais pas si au niveau budget, c'est possible pour vous. Alors, vous avez quelques pièces intrigantes. Je sais que vous avez une petite scie qui servait à quoi ? J'ai une scie pour scier les alliances des morts. Wow. Et alors c'est dingue parce que c'était dans une brocante et je vois cet objet est magnifique, très très curieux, avec des petites poulies et des petits trucs, et du coup je suis fasciné par l'objet, et du coup le type m'a raconté toute l'histoire et me l'a vendu à un prix idiot parce que ça ne peut intéresser qu'un couillon comme moi. Voici donc, mesdames et messieurs, le feuilleton signé Christophe Bourdon. Les Baraki, les rôles sont tenus par James Dino, Kevin Josiane, la maman Baraki, Dominique Watrin, Kevin Oufti, l'amant de Kevin Josiane, Cody Kevin Bryan, le fils Baraki. Aujourd'hui, avec Juan d'Outremont, les Baraki sont à Péridaïsa. Nom de Dieu, où qu'il est? Écoutez, madame, je suis le directeur de Péridaïsa. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On est venu voir la bête. Ah bon? On est venu jusqu'à Péridaïsa rien que pour voir maman? Mais non! Fils d'abruti, on parle du bébé panda! C'est lui qu'on est venu voir! Oui, dites, je comprends, mais il y a un problème. Je dis, il y a un problème. On ne sait pas où il est en ce moment. On pense qu'il se cache, qu'il a peur de la foule. Ah bon? C'est pas un bébé panda alors? C'est Charles Michel? Vous savez, un bébé panda, ce n'est pas très spectaculaire. Hein. Ça ne mesure que quelques centimètres. C'est tout rose, tout fripé. Ça n'arrive même pas à se redresser sur ses jambes. Ah bon? Mais c'est pas un bébé panda, alors? C'est le tralala de mon Kevin Oufti, ça? Cela dit, je peux vous faire entendre son cri. On l'a enregistré, écoutez. Tchoudi, on dirait Jean-Michel de Bénezet quand il a bon. Bon, si on peut voir le bébé, on va aller voir sa mère à la place. Hein. Où qu'elle est, Hao Hao? Oui, écoutez, là aussi, il y a un problème. Elle refuse de bouger. Tenez, elle a vite adopté le mode de vie wallon, celle-là. Vous ne pensez pas si bien dire. Marc Goblet est venu visiter le parc il y a 3 jours. Il lui a dit 2 mots à l'oreille et depuis, elle s'est mise en grève. Ah bon? Marc Goblet? Il a pu rentrer dans l'enclos sans se faire attaquer? Oui, elle l'a confondu avec le mâle panda. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il se ressemble, hein. Il est aussi souple, il bouge aussi vite, il a le regard aussi vif et il a les mêmes idées de communiste chinois, hein. Oui, en ce moment, on n'a que des problèmes. La semaine dernière, c'était Joël Milquet qui était de passage, et bien le mâle Xingqiu l'a confondu avec Yao. Ouais, ça c'est le maquillage autour de ses yeux alors. Moi, la dernière fois que je l'ai vu à la télé, j'ai cru que c'était le chanteur du groupe Kiss. Le problème, c'est que ce King Xiu a essayé de se reproduire avec elle. Ah mince! Et qu'est-ce que vous avez fait? Ben, on a dû agiter Maggie de Bloch devant l'enclos pour détourner son attention. Et ça a marché? Oui, sauf que le panda s'est jeté sur Maggie de Glock. Maggie de Glock. sur ma guide Glock pour se reproduire avec elle. Ah bon? Et alors? Eh bien, il se marie la semaine prochaine. Hé, hey, tonton, regarde, il y a Ao Ao qui tient une pancarte, là. Bah oui, c'est à cause de Marc Goblet, je vous l'ai dit, elle est en train de manifester, là. Bah ouais, t'as raison, sur la pancarte, il est écrit « On veut des bambous, on veut des bambous ». Oui, je sais, et comme l'espérance de vie du panda géant n'est que de 25 années, le mâle a une pancarte avec non à l'allongement de l'âge de la pension à 23 ans. Tonton, pourquoi que maman, elle est dans l'enclos au panda? Quoi? Non, mais enfin, Madame Braqui, mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous entends pas, je suis trop loin. Je cherche le bébé panda. Madame, sortez de là. Enfin, vous risquez de vous faire attaquer par le mâle. Enfin, il peut vous tuer, mais enfin, dites-lui. Mais enfin, elle ne m'entend pas. Kevin Josiane, fonce caresser le mâle, il est gentil. Bon, où qu'il est le bébé panda? Petit. Mais attention! Mais je le vois, il est juste derrière vous, mais dans le buisson! Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Le buisson! Ah ouais, t'as raison, je vais m'asseoir dans le buisson en attendant! Non, ne faites pas ça! Ouf! Jenny, vous avez pas entendu un drôle de bruit, vous? Mais ce n'est pas possible, mais elle a écrasé le bébé panda, mais on ne pourrait pas faire pire. Et il a encore l'air bon, je vais le mâcher, tiens, on dirait un chewing-gum rose collé à mes fesses, fourré à la fraise. Mais non. Tu décolles bien aux dents, hein. Bien, en tout cas, je n'ai jamais vu des gens aussi bas. Mais ça, c'est normal. On est bas, on est ras, on est qui? Barak. Bravo à toute l'équipe, merci Christian Bourdon. Et merci, Juan d'Outremont. Je vous dis, quand on a un texte de cette qualité... Quel jeu d'acteur! En tous les cas, on s'est beaucoup amusé avec vous. Mais dites merci de votre accueil. C'était très vraiment heureux. Hyper sympa. J'étais ah bah tant mieux, c'est réciproque. Et ce n'est pas un mensonge. Un dernier mot de Cody pour une petite promo. Oui, je serai en spectacle le 18 juin au Passage Oublié à Florennes pour mon spectacle À Vendre. Très très bel endroit, très Cody sympathique à vendre en tous les cas. À gmail.com. Parfait. James Dino dans l'équipe. Merci Dominique à vous. Patrin. Bon dimanche. Cody. Bon dimanche. Christophe Bourdon. Bon dimanche à tous. Et aux commandes de l'émission, Jean-Jacques Brunin. Merci à toutes et tous. Bon dimanche à vous, Stéphane Piedbeuf. Pour ces années-là, à très très bientôt. On ne devrait pas passer ses vacances à chercher du Wi-Fi. Alors chérie, aujourd'hui je te propose de déjeuner à l'hôtel. D'accord. Et puis après on peut aller se décourdir les jambes dans les couloirs de l'hôtel. Ah. Et puis prendre l'air sur la terrasse de la chambre de l'hôtel. Mm. Et alors l'après-midi, on part pour une petite visite des cuisines de l'hôtel. C'est super. Avec Orange, ne cherchez plus de Wi-Fi. Appel, SMS et surf en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions et activation sur orange.be. Promo valable jusqu'au 31 août inclus. Vivacité présente les 10 miles de Charleroi, le dimanche 19 juin dès 15h. À l'occasion de la brocante des quais, venez courir 5 ou 10 miles sur un parcours urbain unique au départ de la place de la Digue. Sans oublier la course pour enfants et le village d'accueil. Infos et inscriptions sur 10milescharleroi.be. Avec le soutien de l'aéroport de Charleroi et Plastic Waters. Moi, je suis le préservatif. Avec moi, vous vous protégez et vous protégez les autres. Moi, je suis le test de dépistage. Grâce à moi, vous savez si vous êtes infecté par le sida ou par une infection sexuellement transmissible. Et moi, je suis le traitement. Je vous soigne et je peux vous permettre de ne plus être contaminant pour votre partenaire. Préservatif. Dépistage. Traitement. Ensemble, nous sommes les bons réflexes pour vous protéger du sida et des infections sexuellement transmissibles. La prévention évolue. Renseignez-vous sur lesbonsreflexes.org avec le